Chapitre 12e. Je ferai parler M. Collins lui-même dans ce qui me reste à raconter. Le lecteur a pu déjà s'apercevoir que M. Collins n'était pas un homme ordinaire, et les réflexions que je lui ai entendu faire sur ce sujet m'ont paru extrêmement judicieuses. Cette journée a été l'époque critique de la vie de M. Falkland. C'est de là qu'a pris sa source cette mélancolie noire et insociable qui depuis s'est emparée de lui. Deux caractères ne peuvent pas contraster plus fortement, à certains égards, que M. Falkland avant ces événements et M. Falkland depuis. Jusqu'à ce moment, la fortune lui avait ri sans cesse. Son âme était confiante et exaltée, pleine de cette assurance, de cette présomption de soi-même et de ses facultés, qu'une continuité de prospérité ne manque pas de produire. Les habitudes de sa vie étaient, il est vrai, celles d'une sorte de visionnaire, dans le genre sublime, mais néanmoins elle le tenait dans un état de paix et de contentement, au lieu que, depuis cette époque, sa fierté chevaleresque, son ardeur pour les hautes et brillantes aventures, ont été totalement abattues. D'un objet d'envie, il est devenu un objet de pitié. La vie dont il avait exprimé jusqu'alors les jouissances les plus exquises n'a plus été pour lui qu'un poids insupportable. Plus de ce contentement de soi-même, plus de ces transports, qu'alimentait sans cesse la plus active bienfaisance. Cet homme qui, plus que tout autre, avait mis toute son existence sous le charme des délires les plus brillants de l'imagination, a semblé dès lors n'avoir plus que des visions de douleur et de désespoir. Sa situation, sans doute, a dû inspirer le plus tendre intérêt, car si la pureté et la droiture des intentions donnent des droits au bonheur, qui en avait plus à réclamer que M. Falkland? Il s'était trop profondément imbu des idées absurdes et oiseuses de la chevalerie pour qu'une humiliation aussi déshonorante, d'après ses propres opinions, pût jamais sortir de son esprit. Il y a une sorte de caractère sacré attaché à la personne d'un véritable chevalier qui rend immortel et indélébile le moindre acte de violence grossière commis sur elle. Être jeté par terre, frappé, foulé aux pieds, traîné sur le parquet. Puissance du ciel! Qui pourrait supporter une pareille image? Quelle expiation pouvait jamais effacer cette horrible tâche? Est-ce qu'il y avait de plus désespéré encore, l'assaillant ayant cessé de vivre, la seule espèce d'expiation que prescrivissent les lois de la chevalerie était devenue impossible? Il est vraisemblable que dans les périodes futures des progrès de la civilisation, il viendra un temps où il sera impossible de rien comprendre à cette étrange sorte de calamité qui vint à bout de flétrir et de dessécher une des plus belles âmes qui ait existé. Si M. Falkland eût pu réfléchir avec maturité sur son sort, cette cruelle blessure qui dévorait ses entrailles, il aurait fini sans doute par la voir avec indifférence. Que le moderne dueliste contemple Thémistocle, le plus vaillant des Grecs. Lorsque, pour toute réponse à ses objections, Eurybiade, son général en chef, lève sur lui la canne d'un air menaçant. Quelle dignité vraiment noble et élevée dans sa réponse. Frappe, mais écoute. Un homme d'un vrai discernement ne pourrait-il pas, dans un cas semblable, dire avec avantage à son brutal agresseur « Lorsque je tiens à honneur de savoir endurer la peine et l'infortune, pensez-vous que je ne saurais pas supporter les faibles atteintes de votre grossière démence? Peut-être est-ce une partie des perfections de l'homme de savoir bien défendre sa personne, mais que les occasions d'exercer ce talent sont vraiment rares. Si l'on réglait sa conduite sur des principes de raison et de bienveillance, qu'on serait peu exposé à d'injustes agressions comme les vôtres. D'ailleurs, cette science, une fois acquise, quel grand avantage en pourrait-on retirer? L'homme né avec une constitution faible, délicate, y apprendrait-il à se mesurer à force égale avec l'athlète leste et vigoureux? Et quand même cette science me servirait à me garantir à un certain point de la méchanceté d'un seul adversaire, ma personne et ma vie, sous le seul rapport de la force, seront toujours à la merci de deux agresseurs. Excepté le cas d'une défense immédiatement opposée à une violence actuelle, cette science ne pourrait pas être mise en usage. L'homme capable d'aller de propos délibérés à la rencontre de son ennemi, dans la vue d'exposer la vie de l'un ou de l'autre, foule aux pieds tous les principes de la raison et de la justice. En acceptant un duel, je deviens le plus méprisable des égoïstes. Je compte pour rien la société tout entière, qui a droit à l'exercice de mes moyens et de toutes mes facultés, tandis que je me regarde moi-même, ou plutôt une chimère incompréhensible que j'incorpore avec moi-même comme l'unique et exclusif objet de mon attention. Je ne suis pas en état de me mesurer avec vous, eh bien, y a-t-il là de quoi me déshonorer ? Non, certes, il n'y a que la commission d'une injustice qui puisse vraiment me déshonorer. Mon honneur est en moi et sous ma propre garde. Il est hors de la portée de tous les autres hommes. Frappe, si tu veux, je ne suis que passif. Quelque injure que tu me fasses, tu ne me provoqueras jamais à exposer à un mal qui n'est pas nécessaire, ni ta personne, ni la mienne. Voilà ce que je refuse. Ne me taxe donc pas pour cela de pusillanimité. Quand tu me verras refuser d'encourir quelque danger ou de supporter quelque peine pour la chose publique, alors flétris-moi du nom de lâche. Quelque simple et péremptoire que soient ces raisonnements pour un observateur sans passion, ils sont en général peu sentis par le monde, et ils étaient surtout ce qu'il y avait de moins analogue aux préjugés de M. Falkland. Mais la honte et les outrages publics qu'il avait eu à subir, tout insupportables qu'ils étaient à sa pensée, ne complétèrent pas encore toute la masse d'infortunes que cette fatale journée accumula sur sa tête. Il se glissa bientôt un bruit que c'était lui qui était le meurtrier de son antagoniste. Un tel bruit importait trop à la sûreté même de sa vie pour qu'on pensât à le lui cacher. Il l'entendit avec une surprise et une horreur impossible à exprimer. C'était un surcroît affreux à ce fardeau de calamité imaginaire qui l'accablait déjà. Personne n'avait sa réputation à cœur comme M. Falkland, et dans une journée, il se voyait assailli par tous les malheurs les plus redoutables pour lui. Sa personne avilie par le dernier des outrages, sa réputation noircie du plus lâche de tous les crimes. Il aurait pu s'échapper, car personne n'était disposé à poursuivre un homme aussi généralement adoré que M. Falkland, ou à venger un homme aussi généralement abhorré que M. Tyrrell. Mais il dédaignait de fuir. En même temps, l'affaire était d'un genre trop grave, et le bruit, faute de contradiction, faisait d'un jour à l'autre trop de progrès pour ne pas prendre une résolution. Quelquefois, M. Falkland paraissait disposé à adopter les moyens les plus propres à accélérer un jugement, mais vraisemblablement, il craignait qu'un recours de sa part aux vues judiciaires ne donna plus de consistance à une imputation dont l'idée seule le faisait frémir. En même temps qu'il était résigné à se soumettre à l'instruction la plus rigoureuse, et s'il ne pouvait espérer d'effacer de la mémoire des hommes le souvenir de l'accusation qu'il avait encourue, d'acquérir au moins la démonstration la plus complète de son innocence. Enfin, les magistrats du lieu se virent, malgré eux, dans la nécessité de faire quelques démarches. Sans décerner de mandat d'arrêt contre M. Falkland, ils lui firent dire qu'il eût à paraître devant eux à une de leurs assemblées. La procédure se trouvant ainsi entamée, M. Falkland leur fit entendre que si l'affaire ne devait pas avoir d'autre suite, il espérait qu'au moins ils donneraient à leurs informations toute la publicité possible. Aussi l'assemblée fut-elle nombreuse. Toute personne un peu connue y fut admise comme auditeur. La ville entière, qui était une des plus considérables de la province, fut instruite de la nature de l'affaire. Il n'y avait guère de procès revêtu de forme juridique qui eût excité un intérêt aussi général. Dans les circonstances, il était difficile d'en venir à une instruction en forme. Mais il semblait que la partie intéressée et les arbitres n'eussent pas d'autre désir que de donner à cette espèce d'information privée tout l'appareil et toute l'importance d'un véritable procès. Les magistrats firent des recherches sur les particularités du fait. M. Falkland, à ce qu'il paraissait, avait quitté la salle d'assemblée immédiatement après son agresseur. Et quoiqu'il eût été accompagné jusqu'à son auberge par deux ou trois personnes de la société, il les avait laissées, sous quelque prétexte, au moment de son entrée dans l'auberge, et lorsqu'ils étaient informés au garçon de ce qu'il était devenu, il était déjà monté à cheval pour s'en retourner chez lui. Par la nature même des circonstances, il ne pouvait y avoir aucun fait contraire à établir. Dès que l'on eut bien établi toutes les preuves, M. Falkland commença sa défense. Il a été fait plusieurs copies de cette défense, et M. Falkland a paru pendant quelque temps avoir envie de la faire imprimer, quoique par la suite il ait changé d'idée. Je possède une de ces copies et je vais vous la lire. » En disant ceci, M. Collins se leva et prit un manuscrit qui était dans un tiroir particulier de son secrétaire. En même temps, il parut se recueillir en lui-même. Je ne dis pas précisément qu'il hésita, mais il eut l'air de se croire obligé, par une courte apologie, de se justifier sur cette communication. « Je vois, dit-il, que vous n'avez jamais entendu parler de cet événement mémorable, et je ne m'en étonne guère, car on est assez disposé à se taire là-dessus par bienveillance, puisqu'on regarde comme une sorte de déshonneur pour un homme d'avoir eu à effacer une accusation criminelle, quand même il aurait eu la défense la plus complète et la plus honorable à opposer. Vous pouvez bien présumer que le silence le plus absolu sur cette matière est ce qu'il peut y avoir de plus agréable pour M. Falkland. Et sans les circonstances particulières qui m'y ont déterminé, je ne me serais jamais permis d'agir aussi directement contre ses intentions en vous parlant de cette affaire. » Il se mit ensuite à me lire le papier qu'il avait et qui était ainsi conçu. « Messieurs, je parais devant vous, accusé d'un des crimes les plus noirs que puisse commettre une créature humaine. Je suis innocent. Je ne crains pas qu'il y ait dans cette assemblée une seule personne à laquelle je ne fasse reconnaître mon innocence. Mais en même temps, de quel sentiment ne suis-je pas accablé? Certain d'avoir mérité l'approbation et non le blâme, d'avoir consacré toute ma vie à des actes de justice et d'humanité, peut-il y avoir pour moi rien de plus déplorable que d'avoir à repousser une accusation de meurtre? Tel est le malheur de ma position, que quand même vous voudriez m'absoudre sans m'entendre, je ne pourrais l'accepter. Il faut que je réponde à une imputation dont la seule idée est mille fois plus cruelle pour moi que la mort. Il faut que j'appelle à moi toutes les facultés de mon âme pour éviter de me voir confondu avec les plus vils des scélérats. Messieurs, c'est dans la situation où je me trouve placé qu'on peut permettre à un homme de parler de soi avec avantage. Situation horrible! Ah, que personne ne m'envie le triste et honteux triomphe que je vais remporter. Je n'ai pas appelé de témoin pour déposer sur ma réputation. Grand Dieu! Quelle réputation que celle qu'il faut soutenir par des témoins! Mais puisqu'il faut que je parle, regardez tout autour de cette assemblée, interrogez tous ceux qui sont présents, interrogez vos propres cœurs. Non, jamais, jamais un seul mot de reproche n'a été proféré contre ma réputation. Le plus honorable témoignage doit venir de ceux qui m'ont connu de plus près. Je n'hésite pas à les appeler. » Une sensibilité extrême sur tout ce qui peut toucher à l'honneur a été la première passion, la passion continuelle de ma vie. L'issue de cette journée m'est presque indifférente. S'il ne s'agissait que de ma tête, je n'ouvrirais pas la bouche. Votre décision n'aura jamais pouvoir de me rendre une réputation sans tache, de laver la honte dont je suis couvert, ni d'effacer de la mémoire des hommes que j'étais jugé comme accusé d'un meurtre. Votre décision n'aura jamais le pouvoir d'empêcher que les déplorables restes de mon existence ne soient pour moi un poids insupportable. On m'accuse d'avoir commis un meurtre sur la personne de Barnabas Tyrell. Du meilleur de mon cœur, j'aurais donné tout ce que je possède au monde. Je me serais dévoué à une misère éternelle pour lui conserver la vie. Elle était précieuse pour moi, cette vie, plus que celle de tous les hommes ensemble. La plus cruelle offense qu'ait commise l'inconnu qui l'a tué, c'est, à mon opinion, d'avoir arraché de mes mains la plus juste des vengeances. Je déclare que je l'aurais appelé au combat et que la mort de l'un ou de l'autre eût pu seule nous séparer. Ce n'était encore qu'une faible et misérable réparation d'un outrage sans exemple, mais c'était la seule qui me resta. Je ne demande pas de pitié, mais je dois dire que jamais sort ne fut aussi horrible que le mien. J'aurais volontiers cherché dans une mort volontaire un asile contre le souvenir déchirant de cette affreuse soirée. Ma vie était dépouillée de cette considération qui me la rendait si chère, mais cette consolation même m'est refusée. Je suis condamné à traîner à jamais le point tolérable de mon existence, sous peine de voir regarder mon impatience à le supporter, à quelque époque que ce puisse être, comme une confirmation de l'accusation de meurtre intentée contre moi. Messieurs, si par votre jugement vous pouviez m'ôter la vie sans toucher en même temps à mon honneur, combien je bénirais le coup qui anéantirait pour jamais ma pénible existence. Vous savez tous avec quelle facilité j'aurais pu fuir. Si j'avais été coupable, n'aurais-je pas embrassé cette ressource? Mais dans l'état des choses où je ne le pouvais point, l'honneur a été l'idole de ma vie. Je n'aurais pu supporter l'idée qu'il y eut, dans le coin le plus reculé du monde, une seule créature humaine qui peut me croire criminel. Hélas, à quelle fatale divinité ai-je été porté tous mes vœux? Je me suis dévoué à une éternité de tourments et de désespoir. Je n'ai plus qu'un mot à ajouter. Je réclame de vous, messieurs, cette juste mais imparfaite réparation que j'ai droit d'attendre de vous. Ma vie est peu de chose, mais mon honneur, les misérables restes d'honneur dont je ne suis pas encore privé, dépendent de votre jugement. Vous ne pouvez faire que bien peu pour moi, mais ce peu n'en constitue pas moins votre devoir envers moi. Puisse l'être suprême, première source de tout ce qui est bon et honorable, vous bénir et vous protéger. L'homme que vous voyez devant vous est condamné pour jamais à la nullité et à la honte. Il n'a plus rien à espérer au monde, par-delà la faible consolation qu'il attend aujourd'hui de vous. Vous pouvez bien présumer que M. Falkland fut acquitté de la manière la plus honorable. Rien n'est plus déplorable dans les institutions humaines que de voir un homme dont l'innocence est évidente pour tout le monde ne sortir d'une telle épreuve qu'avec cette idée de déshonneur qui attachait l'opinion commune. Il n'y avait personne qui entretint l'ombre d'un doute sur ce fait, et cependant, par un simple concours accidentel de circonstances, il était devenu indispensable que le meilleur des hommes fût jugé publiquement comme si réellement il eût été soupçonné d'un crime atroce. On ne peut disconvenir que M. Falkland n'eût ses défauts, mais ses défauts même le mettaient à une plus grande distance encore du crime dont il s'agissait. C'était une espèce de fou, mais le fou de l'honneur et de la gloire, un homme tellement attaché à la poursuite de la réputation que rien ne pouvait l'en distraire un moment. Un homme qui aurait acheté au prix de plusieurs mondes la renommée d'un vrai héros, d'un vaillant et intrépide chevalier, un homme qui n'avait pas l'idée qu'il existât d'autre malheur réel qu'une atteinte à son honneur. N'y a-t-il pas une absurdité révoltante de supposer qu'aucun motif possible soit capable de pousser un homme de cette trempe à descendre jusqu'au rôle d'un lâche assassin? N'y a-t-il pas une extrême dureté à le contraindre à se défendre d'une pareille imputation? Vit-on jamais un homme, et encore bien moins un homme aussi délicat sur l'honneur, passer en un moment de la vie la plus pure aux derniers excès de la dépravation humaine? Quand la décision des magistrats fut prononcée, un murmure général d'applaudissements et de transports involontaires se fit entendre dans la salle. Il commença d'abord par un bruit sourd et confus, et par degrés s'éleva jusqu'à des cris de joie. Comme c'était la vive expression d'une émotion pure et désintéressée, il y avait dans le son même quelque chose d'impossible à décrire, qui pénétrait au fond du cœur et qui causait la sensation la plus délicieuse à tous les spectateurs de cette scène attendrissante. C'était à qui témoignerait le mieux toute son estime à l'aimable et respectable accusé. À peine M. Falkland se fut-il retiré que les personnes les plus distinguées de cette assemblée résolurent de donner une sanction nouvelle à cette décision par une expression formelle de leurs sentiments de joie et de félicitation. Ils nommèrent sur le champ une députation pour se rendre à cet effet auprès de lui. Chacun voulut concourir pour sa part à ce témoignage spontané et universel qui s'élevait de toutes parts en faveur de l'accusé. Ce fut une sorte de commotion sympathique qui gagna tous les rangs et toutes les classes de citoyens. La multitude l'accueillit avec des vivats mille fois répétés. Elle détacha les chevaux de son carrosse, le traîna elle-même en triomphe et l'accompagna pendant plusieurs lieues pour le reconduire à sa demeure. on eût dit qu'une instruction criminelle qui jusqu'alors avait, dans tous les cas, passé pour une tâche, était devenue, pour cette fois, une marque d'honneur signalée et une sorte d'apothéose. Rien de tout cela ne put atteindre la blessure de M. Falkland. Ce n'est pas qu'il fût insensible à tant de signes réitérés de l'estime et de l'affection publique, mais il n'était que trop évident que la mélancolie qui s'était emparée de son âme était dès lors insurmontable. Ce ne fut que quelques semaines après cette mémorable scène que le véritable meurtrier fut découvert. Chaque partie de cette histoire est réellement extraordinaire. Le véritable meurtrier était Hawkins. Il fut trouvé avec son fils à un village à environ 15 lieues de là, caché sous un faux nom et manquant des premières nécessités de la vie. Depuis l'époque de sa fuite, il avait vécu dans cet endroit d'une manière si retirée que ni l'active bienfaisance de M. Falkland, ni la méchanceté infatigable de M. Tyrrell n'avaient pu, après toutes les recherches possibles, venir à bout de le découvrir. Le premier indice qui avait mis sur la trace du coupable, c'était quelques lambeaux de vêtements ensanglantés qu'on avait trouvés dans un fossé et qui furent reconnus par les gens du village pour appartenir à ce malheureux. Le meurtre de M. Tyrrell était un événement qui avait fait assez de bruit, et les soupçons se portèrent bien vite sur cet homme. On fit les perquisitions les plus diligentes, et on trouva dans un coin de son logement un manche de couteau avec une partie de la lame, laquelle, ayant été rapprochée de la pointe qui s'était rompue dans la blessure du mort, parut y correspondre exactement. Sur de nouvelles informations, deux paysans qui s'étaient trouvés par hasard sur le lieu se rappelèrent avoir vu M. Hawkins et son fils dans la ville le soir même de l'événement et déclarèrent les avoir appelés à plusieurs reprises sans recevoir de réponse, quoique bien sûr de les avoir reconnus. D'après cette accumulation de charges et d'indices, les deux Hawkins, père et fils, furent jugés, condamnés et exécutés. Dans l'intervalle du jugement à l'exécution, Hawkins confessa son crime et donna les signes du plus vif repentir. Il y a bien quelques personnes qui nient cette dernière circonstance, mais j'ai pris la peine de faire des recherches sur le fait et je suis persuadé que leur dénégation est sans fondement. On n'oublia pas, dans cette conjoncture, les cruelles injustices que ce malheureux avait eu à souffrir de son implacable persécuteur. C'était une fatalité bien étrange que les barbares projets de M. Tyrrell ne manquassent jamais d'atteindre leur but. Sa mort même servit par l'événement à consommer la ruine d'un homme qu'il haïssait. Circonstance qui, si elle eût pu convenir à sa connaissance, l'aurait peut-être en quelque sorte consolé de sa fin prématurée. Certainement le sort du pauvre Hawkins est digne de pitié puisque, dans le principe, c'est sa courageuse fermeté et son caractère indépendant qui l'ont à la fin poussé au désespoir et conduit avec son fils à une mort ignominieuse. Mais la compassion publique fut bien amortie quand on en vint à songer que c'était de sa part un égoïsme impardonnable et vraiment barbare que de n'être pas venu lui-même affronter les suites de son crime plutôt que de souffrir qu'un homme aussi cher et aussi précieux au public que M. Falkland, un homme qui avait tant cherché à lui faire du bien, fut mis en jugement pour un meurtre dont lui-même était l'auteur. Depuis cette époque jusqu'à présent, M. Falkland a toujours été à peu près comme vous le voyez aujourd'hui. Quoiqu'il y ait déjà plusieurs années que ces événements se sont passés, l'impression qu'ils ont faite sur l'âme de notre malheureux maître est encore toute récente. Dès lors, ses habitudes ont totalement changé. Jusque-là, il avait aimé à se montrer sur la scène du monde et à jouer un rôle au milieu du cercle dans lequel il vivait. Depuis, il a gardé une retraite austère. Il n'a plus ni société ni amis. Privé pour lui-même de toute consolation, il n'en a pas moins cherché à traiter les autres avec bonté. Il a pris dans son maintien une dignité triste, qui cependant est toujours accompagnée d'une extrême douceur et d'une politesse parfaite. Tout le monde le respecte, car sa bienfaisance est toujours la même. Mais il règne dans toutes ses manières une réserve et une froideur imposante qui semblent interdire à ceux qui l'approchent toute communication familière et affectueuse. Tel est son état, dont il ne sort jamais, si ce n'est à certaines époques où ses souffrances deviennent tout à fait insupportable, et où il manifeste les symptômes de la plus furieuse démence. Dans ces moments de crise, ses paroles sont énigmatiques et sa conduite toute mystérieuse et craintive. Il semble se figurer tour à tour toutes les espèces d'alarmes et de persécutions qu'une accusation de meurtre peut être censée entraîner après elle. Mais, sentant bien son état, il ne cherche alors qu'à dérober ses faiblesses à tous les regards et à se retirer dans la solitude. Et en général, ses domestiques ne savent rien de son intérieur et ne connaissent de lui que cet air de mélancolie et d'abattement, ses manières douces mais imposantes et peu communicatives qui accompagnent toutes ses actions. Ainsi s'achève le tome premier des aventures de Caleb Williams de William Goodwin.